Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la cinquième traduction des cours du Cheikh Salah ad-Din Abu Arafah de la série qu'il a nommée Ismul Jalala alladhi yukhawifu Allahu bihi 'ibadah. Le nom sublime par lequel Allah effraie ses esclaves. Dans le cours précédent, nous avons vu les indices que contiennent la lettre que Sulayman a envoyée à la reine de Saba. Quand elle dit « Innahu min Sulayman », la lettre vient de la part de Sulayman. « Wa innahu bismillahirrahmanirrahim » Et il commence par « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, Ar-Rahman. Si vous avez vu les cours, vous commencez à comprendre le sens du mot Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout le très miséricordieux. Donc aujourd'hui, et aussi les lettres que Nabi envoyait au roi à son époque, donc dans le cours précédent. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par voir Sourate Fussilet et ce qu'elle contient et la différence entre Sourate Al-Anbiya et Sourate Shu'ara, Sourate les prophètes et Sourate les poètes. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Donc Fussilet, mes frères, Fussilet, les versets détaillés, elle a détaillé une grande affaire. Elle a éclairé sur une grande affaire. Donc on commence par Fussilat, après nous reviendrons sur Ash-Shu'ara, les poètes. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmi ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Au nom du Rahman, du Rahim, Hamim. C'est une révélation descendue de la part du Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, une lecture arabe pour les gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette révélation, elle est de la part du Rahman et du Rahim. Du Rahman, ce que vous avez su, et Ar-Rahim, qui est donc le très miséricordieux. Et il dit que dans cette révélation, il y a Bushra, Bashira, une bonne annonce, wa Nadhira, et une mise en garde. La bonne annonce revient au nom Ar-Rahim et la mise en garde revient au nom Ar-Rahman. Et nous verrons après dans le Sourate Fussilet comment il a détruit les peuples. D'ailleurs, juste après, dans la page qui suit, il dit فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. S'ils sont détournés, alors dis-leur, je vous avertis d'une foudre semblable à celle qui frappa les Aad et les Thamoud. Et qui les a détruits, les Aad et les Thamoud? C'est Ar-Rahman. Et dans la même sourate, Allah dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » C'est qui leur parle ainsi? C'est Ar-Rahim. Celle-ci, c'est la parole de Ar-Rahim. Et c'est qui a détruit? C'était Ar-Rahman. Par Allah, Allah n'a construit sa maison et ses maisons que pour que soit mentionné son nom, que pour que l'on évoque son nom. Tu veux un délil sur cela? L'imam, Al-Allama, un tel, Abu Flan, un tel. C'est ainsi qu'ils nous ont enseigné la religion. C'est ainsi qu'ils nous ont appris la religion. Mais qu'ils t'enseignent la religion en disant, Qala Allah, Qala Rasulullah. Ça, c'est en te disant, Allah a dit, et le prophète a dit, ça, c'était une époque révolue. C'était il y a longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Fi buyutin adhina Allahu an turfa' وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ dans des maisons qu'Allah a ordonné, permis d'élever, et dans lesquelles son nom est cité et rappelé. Bien, donc, on vous a dit, nos frères, qu'il y a Surat Al-Anbiya et Surat Al-Shu'ara. Dans Surat Al-Anbiya, Allah commence par dire ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Aucun rappel récent ne leur vient de leur Seigneur, mir rabbihim, de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Alors que dans Shu'ara, les poètes, Allah dit وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Aucun nouveau rappel ne leur vient du Rahman sans qu'ils ne l'esquivent. Donc, on a dans l'Anbiya, Allah dit Rabbihim, leur Seigneur. Et on a dans Shu'ara qui dit Minar Rahman, de la part du Rahman. Donc, je vais vous rapprocher, mes frères, la chose. Il y a trois noms immenses d'Allah. Il y a Allah, le nom immense. Il y a Ar-Rahman et il y a Ar-Rab, le Seigneur. Tu trouveras tout son ordre sous ces trois noms. Son nom, Malik, son nom, Malik, sont sous le nom Ar-Rahman. Donc, d'après ce que nous avons vu, la Surat Al-Anbiya, les prophètes commencent par Ar-Rab. Et la Surat Al-Shu'ara, les poètes, commencent par Ar-Rahman. Laquelle doit être la plus dure? Laquelle doit être la plus dure? C'est celle qui commence par Ar-Rahman, d'après ce que nous avons vu. La celle qui commence par Ar-Rahman doit être plus glorieuse et elle doit être plus dure contre les mécréants. Alors que dans Anbiya, c'est le Seigneur, Ar-Rab, qui nous parle. Mais Shu'ara, il a commencé par Ar-Rahman et il a fait résonner dans Surat Al-Shu'ara, il a fait résonner 9 fois Al-Aziz Ar-Rahim, le puissant de Ar-Rahim, le très miséricordieux. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Et votre Seigneur est certes le Aziz, le puissant, et le Rahim, le tout miséricordieux. Bien, donc dans cette sourate qu'il a commencé par Ar-Rahman, il a fait résonner, il a réuni Ar-Rahim avec Al-Aziz. Mais nous connaissons Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dans cette sourate, Allah a remplacé Ar-Rahman par Al-Aziz. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce à quoi je veux venir? Donc, dans Surat Anbiya, il a parlé des prophètes. Surat Anbiya, la Surat des prophètes, il a parlé des prophètes en voulant parler des prophètes. Alors que dans Shu'ara, la Surat les poètes, il a parlé des prophètes et de comment il a détruit les peuples des prophètes. Il a parlé des prophètes et des peuples des prophètes et de comment il a détruit ces peuples. Dans Anbiya, il nous a informé que de la destruction de Nuh. Il dit وَلُوطُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعَمَلُ الْخَبَائِثِ. Et Lot, nous lui avons donné حُكْمًا, qui est traduit par sagesse, mais aussi qui peut être traduit par force, par gouvernance, ou ilm et science. Et nous l'avons sauvé de la ville, de la grande ville, qui faisait le khaba'i, le mal, la turpitude. Donc Allah dit, Anjayna, on l'a sauvé. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il a fait de son peuple. Il ne t'a parlé que de comment il a sauvé l'autre. Au sujet de Nuh seulement, il a dit فَأَغْرَقْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Donc nous les avons, ou plutôt il les a noyés. Ils étaient un peuple aveugle. Ensuite, il ne parle que des prophètes. Dans Surat Anbiya, il ne parle que des prophètes. Il ne parle pas de comment il a détruit les peuples. Il dit وَذَنُّونَ وَزَكَرِيَّا وَأَيُّوبُ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرَجَهَا. Et celle qui a préserver sa chasteté. Mais dans Shu'ara, ce sont des communautés qu'il a anéanties. C'est pour cela que la sourate commence par Ar-Rahman. Par qui? Par Ar-Rahman. Or, si Ar-Rahman était pareil qu'à Ar-Rahim, avec plus ou moins de miséricorde seulement, comment, comme le pensent les gens, il n'y aurait pas eu ce nom, Ar-Rahman, au début d'une sourate où Allah parle de la destruction des peuples, de la destruction des grandes cités du passé et des communautés. Ensuite, dans la sourate, quand il a réuni Ar-Rahim, il l'a réuni avec Al-Aziz. Glorifiez-le, Azimullah, glorifiez Allah. Shu'ara, les poètes, commencent par Ar-Rahman. Et ensuite, il dit « وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » Et quand ton Seigneur a appelé Moïse, alayhi salatu wassalam, va au peuple injuste, ظالم. Ça y est, ici, quand Allah dit cela, leur perte est annoncée. Leur perte commence. Et les menaces aussi. Et qu'a-t-il fait de Pharaon? Il l'a détruit. Il a anéanti Pharaon. Et après, le peuple de Nuh, il l'a détruit aussi. Et après, Allah parle de Ad, de Thamoud, du peuple d'Ibrahim et de celui de Lot. Pareil, il les a tous détruits. Car il a commencé la sourate par Ar-Rahman. Il l'a commencé par Ar-Rahman. Et cela t'enseigne qui est Ar-Rahman. Et que Ar-Rahman est le nom par lequel Allah effraie tout l'univers. Le nom par lequel Allah effraie ses esclaves. C'est Ar-Rahman. Donc quand un esclave veut chercher protection et force, qu'il le fasse auprès de Ar-Rahman, qui est le plus puissant des noms d'Allah. Surat al-Shu'ara, il dit An-Nabiyina à Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il dit au prophète فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Dans la sourate qu'il a commencé par Ar-Rahman, il dit au prophète, au dernier des prophètes, il lui dit n'invoque pas avec Allah une autre divinité, ou sinon tu seras parmi ceux qui sont châtiés. Ne l'as-tu pas commencé par Ar-Rahman? Et comme le pensent les gens, c'est-à-dire le tout miséricordieux. Et dans cette sourate, il menace même son prophète. Il dit à son prophète, après avoir détruit les peuples, « La taj'al ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'addabin » N'invoque pas avec Allah une autre divinité, sinon tu seras parmi les châtiés. Et il l'a terminé par « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ » Il a donc terminé sourate Al-Shu'ara, les poètes et sauront et les injustes verront bientôt. Et donc il a terminé la sourate, Shu'ara, sourate des prophètes, des poètes, il l'a terminé par « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلِبِينَ » Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Ou, en étant plus proche du texte, « أَيَّمُ قَلِبِينَ » à quel retour, ils retourneront. Et cette sourate, c'est cette sourate qu'il a commencé par Ar-Rahman. En fait, qu'il ait cité Ar-Rahman, du fait qu'il ait cité Ar-Rahman au début de la sourate, tu dois savoir ce qu'il y a dans la sourate. Et tu dois savoir ce que ça veut dire. Dans Anbiya, dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, il dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم. Et dans sourate Al-Anbiya, il dit: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Ils dirent: Ar-Rahman s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Selon les ordres de qui? Rappelez-vous de qui? Selon les ordres de Ar-Rahman. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Et il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée, tout en étant pénétré de sa crainte. Ils sont pénétrés de la crainte de qui? Ils sont pénétrés de la crainte de Ar-Rahman. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Et quiconque d'entre eux dirait: je suis une divinité en dehors de lui. Qui? En dehors de Ar-Rahman. Nous le rétribuerons de l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et donc par quoi menace-t-il? Donc par quoi Allah menace-t-il? Par qui fait-il peur? Par Ar-Rahman. Dans la même sourate, juste après, Allah leur dit, Allah dit: وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision et disent: quoi, est-ce là celui qui médit de vos divinités? Il nie tout et il nie tout rappel du miséricordieux. Il mécroit en tout au rappel du Rahman, justement, c'est ici. Et il nie tout rappel du Rahman. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes. Ne me hâtez donc pas. Mais aïe. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Et ils disent: à quand cette promesse, si vous êtes véridiques? لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Si seulement les mécréants connaissent le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Point secourus contre qui? Contre Ar-Rahman, comme on a dit juste avant. Où ils ne seront point secourus contre Ar-Rahman. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Mais non, cela leur viendra subitement, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur donnera pas de répit. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Dis: qui vous protège la nuit et le jour contre Ar-Rahman? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger, mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Qui est nous ici? C'est Ar-Rahman. Au dehors de qui? De Ar-Rahman. S'il veut la destruction de ses esclaves, qui peut l'en empêcher? Personne. Et qui il est? Il est Ar-Rahman. Lis tout ceci, lis le Coran, lis ce que nous venons de lire du Coran. Et tu vois que le nom Ar-Rahman est différent de ce que les gens disent. Et cela fait partie des plus grands bienfaits que tu aies connu l'un de ces deux noms immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus immense, le nom le plus immense, c'est Allah. Et tu veux le connaître. Qui il est Allah? Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et nous connaissions Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le doux, le gentil, le miséricordieux, le plein de miséricorde. Et nous ne connaissions pas Ar-Rahman. Est-ce clair? Mais maintenant, nous commençons à connaître qui est Ar-Rahman. Et il reste encore beaucoup si Allah nous garde en vie. Inch'Allah, nous en parlerons. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Nous venons de terminer le cinquième cours du Cheikh Abu Arafat. Donc, barakallahu fikoum pour votre écoute. C'est un cours un peu plus court que d'habitude et avec beaucoup de lectures du Coran. Donc, prenez vos Corans et lisez. Barakallahu fikoum d'avoir écouté. Partagez. Si vous avez des remarques, faites-nous vos remarques. Partagez, aimez. Et barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas dans vos doigts.